Bonjour Anaïs Kien. Bonjour Xavier Mauduit, bonjour à toutes et tous. Aujourd'hui dans le journal de l'histoire, des films, des combats politiques et surtout l'histoire d'un couple militant. Plogoff, des pierres contre les fusils de Nicole et Félix Le Garec ressort au cinéma en version restaurée. Épopée fétiche des combats antinucléaires, c'est aussi un film qui raconte l'histoire d'un cinéma de combat de la fin des années 60 aux années 70, un cinéma de la débrouille sans intermédiaire, fait de rencontres et de redécouvertes de leur propre société par ceux qui ont pris une caméra pour fixer les mouvements de contestation et la réalité et ses regards critiques sur le quotidien et l'invention en campagne de l'écologie politique. Alors 400 mètres à gauche au moins et 400 mètres à droite, c'est toute cette côte que l'EDF convoite pour mettre sa fameuse centrale. Et ça, nous ne le voulons pas, et c'est pour cela que nous luttons. En 1980, les habitants de Plogoff, au nombre de 2300 près de la pointe du Raz dans le Finistère, s'opposent à un projet de centrale nucléaire prévu depuis 1974. C'est cette mobilisation que suivent Nicole et Félix Le Garec pendant les 6 semaines de l'enquête d'utilité publique entre janvier et mars 1980, lancée par le gouvernement de Valéry Giscard d'Estaing. Un quotidien de travail, de colère, mais aussi le portrait d'une Bretagne qui a absorbé les changements jusque-là, des hommes et des femmes au travail, et leur regard sur ce qui vient. N'importe comment, la Bretagne est la poubelle de la France, et puis c'est tout. On est bon pour ramasser marée noire, nucléaire. Et le lendemain, alors, ça s'est aggravé. Les cailloux ont commencé à partir. Ça a été instinctif au moment du départ des mairies annexes. Les hommes n'ont pas pu s'empêcher de prendre les cailloux qui étaient à portée de la main. C'est tout ce qu'ils pouvaient faire. Le combat tourne à l'émeute, des affrontements de rue qui opposent les manifestants au CRS, les pierres contre les fusils. Le projet est abandonné en 1981. Plogoff, des pierres contre des fusils, c'est aussi l'histoire de ceux qui l'ont conçu, Nicole et Félix Le Garec, bretons de naissance et par choix, qui ont changé de vie pour suivre les mouvements du monde qui les entouraient, entre la Bretagne et l'Algérie, avec René Vautier. Les deux réalisateurs ont fait des films sur leur temps, en hypothéquant leur maison et en abandonnant la boutique de photographes qu'ils tenaient en couple, pour le plus grand soulagement de Nicole qui s'ennuyait ferme à remettre le voile de la mariée avant que Félix ne prenne les photos qui allaient peupler les albums de famille. L'histoire de Félix et Nicole Le Garec, c'est un art de la rencontre érigé en artisanat militant et c'est l'expérience vécue à l'échelle d'une famille de ces révolutions du quotidien, slogan des années 70, pour vivre et ne pas se contenter de survivre. La confiance est là et je pense quand même la persévérance, le courage aura le dessus et je dis on les aura, ça il faut les dire. Deviennent une île et qu'on ne les voit plus sur notre terrain. Ouais. Le parcours de Nicole et Félix Le Garec, c'est un parcours à découvrir dans leur enquête à Plogoff, mais aussi dans le documentaire de Philippe Guillou, Nicole et Félix, dans le catalogue de Carrément à l'Ouest, et encore dans un entretien avec Nicole mené par Marie Richeux dans son émission Par les temps qui courent, à retrouver sur notre site franceculture.fr. Oui, je dis on les aura, les liens utiles sur le site internet franceculture.fr. Vous l'avez dit Anaïs, c'est là aussi qu'on peut réécouter le journal de l'histoire franceculture.fr.